Sparrow Beach avec May Go Round in a Mania dans le Dîner de con à CFO 89 FM. Mathieu Plante en remplacement de Danny Janvier, toujours en compagnie d'André Baudet. C'est bon ça, ces tunes-là? Ben oui, c'est pas le... après, là, c'est bien ça. C'est pas le son d'habitude, je pense. Là. Non, ça, non, mais c'est le fun. C'est une belle musique. Un changement, des bonnes musiques entraînantes. Ben oui. Ben oui. Là, faut que tu me guides un peu. Là. Qu'est-ce ben, qu'on fait? Je vais te dire, ben, dans le fond, ce qui va se passer aujourd'hui, là, dans le fond, Mathieu, je vais te parler de plein de petits trucs, hein, ce, qu'il y a, quoi, ce qu'on donne à l'actualité aujourd'hui. Mm-hmm. Encore des petites choses qu'on a l'habitude de voir à tous les jours, mais d'autres petites nouvelles. Là. Alors, moi, je vais te parler peut-être du maire Bergeron, quelqu'un qui pourrait peut-être être le futur maire de la ville de Montréal. Il y en a dedans. On va voir ça tout à l'heure. Peut-être parler des tontons, mais écoute, c'est pas vrai, mais peut-être, c'est un truc à la commission de l'immigration, là, c'est un ancien partisan d'Aristide qui aurait été nommé là, ça fait tout un émoi. On voit ça plus loin. Et avec le fils à Nicolas Sarkozy qui semble évoluer dans l'ombre de son père, sous l'aile de son père, on se pose quasiment la question, à quand la 6e République? Alors que la 5e République n'est plus, puisqu'il dirige tel le roi. Faisant place à ses bonnes grâces et ses privilèges au lieu de laisser l'État laïque et fonctionnaire guider le choix des dirigeants. Hausse du dollar, c'est le fun, mais ça fait mal aux exportations. Okay. 1er novembre, les élections, on va en parler un petit peu. Moi, je veux peut-être mettre en lumière le côté un petit peu le clivage entre la manière dont on voit les élections municipales en région puis à Montréal, là, la différence de discours. Peut-être parler un petit mot de l'OPEP, le bar l'industrie L ou l'industrie nulle encore, là, je pense qu'ils ont de la misère avec ça avec en cours, hein. C'est pas demain la veille, on dirait qu'on n'en veut pas. Et peut-être parler un petit peu de l'UQTR, réunion qui demande aux étudiants là, de se prononcer à la GUQTR quant à la participation à la FEQ, à la FEQ. La FEQ. La FEQ. La FEQ. FEQ. FEQ. Et voilà, c'est un grosso modo. D'autres choses vont se rajouter ou se soustraire, Mathieu, de ce contenu. On a beaucoup de poissons à pêcher, on pourrait dire, oui, aujourd'hui. Oui, tout à fait. Parlant de poissons, André, c'était comme un genre de lien douteux qui mène à une nouvelle que j'ai trouvée, fait solide, de poissons. De faux poissons ayant la forme de bâtonnets de poissons panés ont été placés dans un aquarium du Sea Life Aquarium de Londres afin d'éduquer les visiteurs sur la vie sous-marine. Une étude anglaise réalisée sur des enfants âgés de 7 ans leur demandait de nommer 3 sortes de poissons et parmi les réponses récurrentes, on retrouvait le poisson rouge, le poisson clown et le poisson pané. Le poisson pané, le fish and chip. Fish and chip, comme en Grande-Bretagne. Hein? Bon. Cette étude a donc inspiré le London Aquarium qui, constatant qu'un enfant sur 10 pensait que le poisson pané était un véritable poisson, a décidé de tester ses visiteurs. Et je cite, « Nous nous sommes réellement amusés à regarder les gens et se demander si notre poisson était vraiment à l'origine de leur encas favori. » Hein, c'est ce que raconte le responsable général du London Aquarium. Cependant, les raisons de cette plaisanterie sont en réalité sérieuses. En effet, même si croire que le poisson pané existe en milieu naturel prête à rire, le manque d'informations sur les fonds marins pourrait nuire à leur préservation. Vous pouvez aller voir la vidéo de ce poisson pané sur Assemblage de Pépoignons. C'est encore un truc qui nous vient d'Angleterre, disons. Oh. Est-ce qu'il y a que là que des choses insolites se passent? Je sais pas, hein? On vous dirait. C'est à se le demander, on là. On dirait pas mal. Tu sais, à un moment donné, là, ça, puis tu sais, la sauce, là, tu sais, là. Sauce anglaise, là, hein? A1, en tout cas, j'aime ça de la sauce. On pourrait continuer comme ça à faire des... Tout à fait. Tout le long de l'émission. Autre chose, André? Ben non, moi, on pourrait peut-être aller voir une petite toune de musique. T'en as-tu une de prête? Oui, ou, on s'en va. Après ça, on reviendra avec Monsieur Richard Bergeron, futur maire. Dick Bergeron. Et là, on s'en va aux entendus. C'est comme le pendant des vues. On s'en va aux vues. T'sais, moi, je dis on s'en va aux entendus. Aux entendus. Donc, voici Ariel et Faux Filet. Super. Vous êtes dans le dîner de cons à CIF. Cherchez la fille, dont look les moustiques, elle tient vérité. Absolument, c'est le dîner de cons qui continue avec Mathieu Plante, toujours en remplacement de Danny Janvier, et puis avec André Baudet aussi. Dick Bergeron, hein, Richard Bergeron. Dick, the next one, you know? Ouais, qu'est-ce qu'il a fait là? Écoute, ça va, les élections municipales, 1er novembre, ça s'en vient quand même. Il reste à peine, en fait, 2 semaines. Ouais, à peu près 2 semaines, ouais. OK. On voit que ça bouge à Montréal. On a entendu beaucoup parler du maire Tremblay, de toutes ses bourgs, compteur d'eau, etc., etc. Madame Harel, qui est dans la course aussi, avec une certaine vision, mais faire autrement, faire les choses complètement différentes, enrayer, annihiler la langue de bois, ça, c'est le mandat de monsieur Richard Bergeron, qui se présente à lui. On commence à en entendre parler depuis une semaine ou deux. Il sort de l'ombre, un candidat vedette, un style à la Régis Lebaume, comme La Bombe, comme à Québec. Donc, authentique, quelqu'un qui a beaucoup de projets, verbomoteur, ça n'arrête pas. Je me demande à un moment donné si c'est pas trop. Il y a un beurre épais sur la gestuelle et les... Eh oui, alors dès que on ira aux urnes et si on vote pour monsieur, Bergeron, eh bien, dès le lendemain, il pèsera sur le piton on, hein, de tous ses projets. Ouais, dès le premier jour, tout ça va embarquer là, d'un coup sec. Paf! Paf, paf, paf. Le chef de projet Montréal, Richard Bergeron, demande aux Montréalais de l'élire maire le 1er novembre s'ils veulent que la métropole fasse un virage marqué. C'est sa marque de commerce, marqué marque de commerce. Il veut vraiment faire quelque chose de significatif. Alors lui, nécessairement, il se vante de ne pas provenir d'une genre de boîte de communication, de ne pas être un peu là le pantin de ces gens de petits rats, là, les petits conseillers politiques là, qui disent tout quoi faire, mais qui peuvent pas vraiment savoir dire quoi faire, à part ce qu'ils ont appris à dire quoi faire, parce que dans le fond, ils sont pas vraiment, ils n'émanent pas nécessairement de l'élite, d'où justement ils veulent tirer un comportement, d'où le problème de faire passer nos politiciens plutôt dans un discours élitiste, alors que moi, je préfère quelqu'un comme ça qui nous arrive avec son authenticité, qui a pas peur d'appeler un cochon, puis une vache, mais non, mais pour vrai, et puis c'est ça. Alors, beaucoup de projets, il dit, oui, ça va coûter cher, ça va même coûter très cher. Donc, en partant, il n'y a pas de cachet. Oui, c'est ça, c'est transparent quand même de dire, regarde, ça va coûter cher, mais il faut faire ce qu'il faut faire. C'est très transparent. Ouais. Puis je suis d'accord avec lui. Plus loin, si on regarde, moi, je suis en train de lire dans la presse, en page A14 et A15, il y a quand même la chronique de Michel Ouimette qui parle, mais elle nous parle plus du côté verbomoteur, un peu trop élucubration du monsieur. Mais si on parle de l'article d'Éric Clément, là, en page A14, c'est un peu plus vraiment ce qu'on, le portrait qui est un peu plus, là, ce que lui montre, ce qu'il dit. Dans les faits, là. Les limites un peu plus, oui, de son projet, parce que sinon, il y a comme 127 pages, son projet, puis ça arrête pas. OK, donc, on parle ici d'améliorer beaucoup les transports en commun. On parle de tramway. On parle de moderniser les transports dans la ville de Montréal, parce que c'est vrai que c'est désuet. Et puis, il amène lui-même les exemples de l'Europe. Et puis, on est très loin derrière. On est très loin derrière. Et puis, de toute façon, déjà, il y a quelques années, j'entendais des Européens, je pense même que c'était des urbanistes. C'est incroyable. C'est impensable. Il n'y a pas une ville en Europe où... ça prend plus que 20 minutes partir de l'aéroport puis aller au centre-ville. Avec les métros, les trams, tous les trains, tous les moyens de communication. Alors, comment se fait-il qu'à Montréal, partir de Montréal, en autobus, c'est quelques heures, si on part du centre-ville. Métro, il n'y a pas de métro. Vélo, tu fais frapper. Vélo, c'est dangereux. En voiture, c'est la congestion. Donc, pour la plupart des hommes d'affaires, des politiciens, des gens européens qui se déplacent ici, c'est inconsidérable, c'est archaïque. On fait un peu rire de nous là-dessus. Tout à fait. Donc, tramway, oui, mais il faut faire attention. Il faut relier les aéroports aussi. Il faut stimuler et favoriser les moyens de transport et de communication qui mènent justement aux aéroports, aux trains, tout ça, pour favoriser l'échange, le commerce, etc. Je veux dire, si les gens, ça le prend de nos jours beaucoup de temps, partir de l'aéroport puis aller au centre-ville, aller dans le centre d'affaires, pour eux, ça devient plus un endroit intéressant. Non. Peut-être qu'à v'là 100 ans, c'était pas pire si c'était comme ça, mais là, c'est comme... Les chevaux, ça allait très bien comme moyen de transport. Oui. On a beau avoir enlevé ça, mais... Mais ça pourrait revenir, mais il faudrait tous y revenir, sinon il y a un décalage. C'est ça. Voilà. Voilà. Alors, et grosso modo, c'est ça que j'ai à dire là sur ce monsieur qui, dans le fond, lui, se distingue vraiment de Harel et de Tremblay. Lui, il dit qu'il amène une vision complètement différente, puis que de l'associer à Harel puis à Tremblay, pour lui, ça y enlèverait quasiment le goût de faire de la politique, parce que c'est pas du tout ça. L'image de politicien qu'il veut dégager. Il s'en prend un petit peu aux enquêtes policières. Qui ont vraiment un petit peu, qui ont mal tourné ou enfin qui ont pas vraiment connu de grands succès. Toute l'histoire de Frank Zappino aussi, là, à Montréal, les compteurs d'eau, j'en passe. Disons que le maire Tremblay a mis un vent de renouveau lors de son premier mandat, mais là, disons que. Ça s'essouffle. Oui, et voilà. Voilà. Pierre qui roule pas à Mousse. Benquin, hein? C'est connu quand même. J'aime bien les idées que tu m'apportes de ce gars-là. Reste à voir si ça va être appliqué comme faux. Puis aussi, reste à voir si ce serait peut-être le cynique en moi qui parle en disant que ça fait comme « Ah, j'ai des belles idées, ça fait comme j'imite Obama un petit peu, tu sais, je veux avoir l'air ben, du gars ouais, ben l'idée. C'est ça, la bombe imitait Obama, puis lui imite la bombe. Ouais. Tu vois, tout à l'heure, mais que je te parle un peu du discours de l'électoral municipale à Montréal versus le discours électoral et les candidats, la nature des candidats en région de Sorel. Il y a une belle dichotomie. Il y a une marge. Il y a des belles farces plates. Oui. Ouais. On parlait de TGV ou de véhicules oui. différents tantôt. Parlons de train un peu, parce qu'un jeune homme qui montrait son derrière aux employés d'un train oh. a vu les portes se refermer sur son pantalon avant d'être traîné à moitié nu sur la ligne de chemin de fer. Oh. L'étudiant en journalisme qui voyageait sans billet avait été forcé à descendre du train par les contrôleurs. Afin de manifester son mécontentement, il aurait alors baissé son pantalon pour laisser l'équipage admirer son son équipage, finalement, son fessier. Malheureusement, les portes se sont retournées sur le pantalon du jeune Allemand, le traînant sur près de 200 mètres de voie ferrée. C'est un passager qui aurait alors appuyé sur l'arrêt d'urgence. Et je cite, « C'est un miracle qu'il ne lui soit rien arrivé de grave. Ce genre de choses peut conduire à la mort », aurait déclaré le porte-parole de la police. L'étudiant, qui ne souffre que de légères contusions, doit faire face désormais à des charges pour avoir insulté les employés du train et avoir causé de dangereuses interférences sur la voie ferrée. Il pourrait également devoir dédommager les retards occasionnés. Il a fait la lune, comme on dit, la pluie et le beau temps. Il faut aller voir, juste pour terminer avec M. Bergeron, là, aller en page A28 là, de la presse d'aujourd'hui. Vous allez avoir la caricature de Chapleau là, du maire Bergeron qui rêve d'être le maire, la bombe de Montréal. Donc, on le voit dessiné à genoux. Ouais. Les souliers... Tu sais, les souliers dans les genoux, là. Uh-huh. Allez voir ça. Avec le chandail des Canadiens. C'est très... Avec le chandail des Canadiens, bien sûr, c'est très drôle. Ah, c'est chic. On lui lève notre chapeau. Blague que tout le monde a fait au moins deux, trois fois. Ben oui. C'est ça. Vous êtes dans le Dîner de con, l'émission du midi, ici avec Mathieu Plante en remplacement de Danny Janvier et puis André Baudet, juste devant moi, comme ça. On continue en musique avec la Baroque Machine, ou comme je les appelle, El Baroque Machine. Voici Hélicoptère. Toujours dans Dîner de con avec Mathieu Plante en remplacement de Danny Janvier, toujours avec André Baudet, et on reçoit Cédric pour parler du gala, du happening des Patriotes. C'est bien ça. Bonjour à vous deux. Bonjour. Ouais, écoutez, aujourd'hui, ce soir, débute le happening Patriote. C'est un événement, c'est la première édition. C'est surtout la première édition d'un party de mi-session à l'UQTR depuis des lustres. Écoutez, ça fait longtemps que je roule ma bosse à l'UQTR et ça fait longtemps que j'avais pas vu de party de mi-session. Donc, c'est un peu un gros party de mi-session qu'on va faire aux alentours des équipes sportives des Patriotes, du hockey spécialement. Ce soir, il y a un match à 19h à l'Arena Claude Mongrain. Donc, à partir de 16h, 16h30, ça commence ici à la Chasse-Galerie. Il y a l'avant-match. De la bière, spéciaux sur la bière, animation, musique, prix de présence. Ensuite, on s'en va avec une navette. Pas besoin de prendre votre auto, vous avez peur de trop boire, oubliez ça. On vous amène en superbe autobus scolaire jaune. Oh, en plus. Le luxe, là. Juste pour ça, c'est déjà, ça vaut la peine d'y aller. On s'entend, là. Des souvenirs là-dedans. Souvenez-vous des banquettes sur lesquelles j'ai passé. Déchiré avec du duct tape. Bien des choses à l'adolescence. Donc, c'est ça. Ensuite, c'est ça, la navette commence à 6h15, elle finit à 19h15. Le match débute officiellement à 19h15, mais on va tenter d'arriver pour 19h pour créer ambiance. Animation au match, on parle de jeux d'agilité pour certains participants qui vont avoir le droit de venir sur la patinoire tenter leur chance de gagner un prix. Des prix de présence, chandail des Patriotes, des gourdes, des rondelles, écoutez, j'en ai plein mon bureau. Ensuite, on revient ici pour après le match pour le party de la victoire parce que c'est sûr que nos Patriotes vont gagner. Ça n'a pas le choix, là. On est les meilleurs. Et donc, on revient ici, party 10-12 de la victoire. Donc, spéciaux sur la bière. Boisson, bière verte, j'ai entendu dire. Boisson des Patriotes. Ça, c'est fou, là. Est-ce que c'est de la bière verte? Est-ce que c'est un mélange quelconque? Écoutez, notre chef alcoolique... Stéphane de Morancy de la Chasse-Galerie nous a concocté un mélange quelconque. La dernière fois que je l'ai vu, il y avait encore un peu de vapeur qui sortait de ce mélange-là. C'est toxique, on ne le sait pas. Écoutez, il va falloir l'essayer pour le savoir. Je ne suis pas responsable. Cette partie-là n'est pas mon dossier, non. C'est ça, spécial, une boisson spéciale des Patriotes. Présentation de l'équipe de hockey des Patriotes. Qui va être fort intéressante aussi. On va mettre un peu en contexte, c'est quoi nos Patriotes? C'est 4 championnats canadiens, une dizaine de championnats ontariens parce qu'on joue dans la conférence d'Ontario, 5-6 championnats québécois. C'est vraiment une historique très forte. Donc, on va reprendre ça. Et aujourd'hui, faites pas le saut, les étudiants et les travailleurs de l'UQTR. Si vous voyez des hordes d'étudiants se promener déguisés en Patriotes, ouais, on les a vus. Ça a fait du bruit. Mais c'était le concours que l'AGE avait mis en place avec les assos. C'est l'asso la plus fan des Patriotes. Cet asso a la chance de gagner une soirée VIP ce soir. Donc, bière fournie en quantité limitée parce qu'avec les étudiants, il faut faire attention. Faut faire attention, ça boit beaucoup. Ils ont le fond très, très fond. Et pizza. Donc, on vous reçoit chez nous, chez les Patriotes, en grand. On va pizza, boisson et tout. Donc, c'est pour ça là, que vous avez vu cet ordre d'étudiantes. C'était des étudiantes, en plus. Oui, on dirait que c'était l'Halloween. Oui. C'est en orange et vert. C'est ouais. 15 jours avant. C'est ça. Donc, je vous invite hein, ce soir à partir de 16h à la Chasse-Galerie, à Panique Patriote. Ensuite, navette à partir de 6h pour aller à l'aréna. Vous pouvez vous rendre aussi à l'aréna comme vous voulez. C'est totalement gratuit pour les étudiants, tous les matchs des Patriotes. Wow. C'est génial, beaucoup. C'est absolument génial. Merci beaucoup, Cédric. Merci à vous autres. Ben, merci d'être puis en me passant, voir. Je tiens à dire, c'est une collaboration AGEQTA, Patriotes et C'est Fou 89.1 FM. Donc, C'est Fou qui est le partenaire majeur des Patriotes au niveau étudiant. Très heureux de l'être aussi. Quel partenaire? Je parle pour C'est Fou. Je suis pas C'est Fou moi-même. Non, t'es pas fou. T'es pas C'est Fou, est-ce que... Non, c'est ça, je suis ça. Mais bref, très bonne initiative. On espère que ça va créer un engouement puis que les gens vont vraiment se rapprocher de leur équipe. Ben, c'est leur équipe et c'est... écoutez, ça vous coûte rien. Fait que c'est un service aux étudiants. On doit plus le voir comme étant une dépense. On doit le voir comme un service aux étudiants au même type que pour certains ont besoin d'aller chez le psychologue, chez le conseiller d'orientation. Ouais. Ben nous, on vous offre du divertissement totalement gratuit au même type que la radio. La radio vous offre des expériences ici. C'est toutes des de la bonne radio. Des artisans de la radio qui travaillons bénévolement à cette radio. C'est le même principe. Venez aux Patriotes, ça fait partie de vos services aux étudiants. Allez-y. Ceux qui aiment le carnaval, là, c'est comme un genre de deuxième carnaval. En oui, oui, je vous dirais que ce soir, à voir ce que j'ai vu aujourd'hui, j'ai très hâte de prendre des photos. En effet, c'est carnavalesque. Là, tout pas mal. Mais c'est ça le but aussi. C'est, oui. là, pourquoi on le fait, je prends 30 secondes, mais pourquoi on le fait au football? Au football, vous allez à Laval, vous allez à Montréal, les gens se déguisent, on regarde le football d'universitaire américain, les gens se déguisent. Pourquoi on peut pas le faire au hockey? Pourquoi le hockey devrait être automatiquement synonyme de on s'assied puis on en regarde une puck se promener d'un On dirait qu'on est gêné de bouger puis de montrer de l'enthousiasme pour, pour le sport. Pourtant, si on regarde les ligues comme amateur, là, ça bouge là-dedans. Oui, là, mais c'est une approche différente. Souvent, c'est tes chums. Mais c'est ça aussi, nous. C'est vos chums, c'est vos étudiants. On les connaît. Vos collègues étudiants et tout. Et on en regarde en Europe, le hockey en Europe, les hooligans qu'on voit dans le soccer. Mais ça existe au hockey en Europe. Je dis pas, faut pas aller jusque-là, là, parce que pour la définition de hooligan, on en passera. Mais, tu sais, on peut être fan, on peut avoir du plaisir, puis on peut surtout aller voir un match de hockey sans être obligé d'être dans un carcan hockey, on s'assied, puis non, vous pouvez crier, vous pouvez les encourager, vous pouvez faire des pancartes, vous déguiser, il y a toujours du fun possible. Hey, faire de l'ambiance, faire du bruit, faire de l'ambiance. Le match est bien plus le fun pour les joueurs en tant que tel, s'il y a de l'ambiance, puis les gens crient, ça leur donne envie de jouer mieux. Ils sont soutenus, ça donne, c'est comme quand tu fais de la musique, tu fais un show, t'as ton public. Un samedi, t'as rien à faire, là, t'es chez vous, t'es tanné, t'as plus le goût d'étudier, puis t'as 5-6 de tes chums ou une dizaine de tes chums qui sont ici aussi, qui en fin de compte, ils n'ont pas descendu chez eux pour leur fin de semaine, ils sont à Trois-Rivières. Ça te coûte rien, puis tu peux avoir du fun, gueuler, puis écoute, personne va... Tu sais, ça reste dans une aréna. Ce qui se passe dans une aréna, fait que tu peux lâcher ton fou en masse. C'est comme à Las Vegas. C'est ça. What happens in the arena stays in the arena. La même chose. Pareil. Merci, Cédric. Ça fait plaisir, bye. À la prochaine. Donc, c'est ce soir, c'est aujourd'hui, ça commence en après-midi. C'est le happening des Patriotes. C'est parti! Et voilà. Plus tard, André, on n'amène pas l'actualité tout de suite, plus tard? Tu tournes, puis après ça, je te parle de Nicolas Sarkozy, de son petit prince. Oh! Il n'y a pas d'euphémisme sexuel là-dedans, c'est vraiment un petit prince. D'accord. Voici A.O. de TV Art Attack sur le palmarès anglophone. Vous êtes dans le dîner de con! All right! Oh, yeah! Trying to find her way out. It only hurts when I'm not around. I'm looking for my way out. She said, I'm afraid to see your face again. I'm afraid to see you waste away. There's a sound when you're breaking down, trying to find your way. Phone rings, but there's no one home. I'm waiting for my TV Heart Attack et la pièce AO dans le Dîner de cons avec Mathieu Plante en remplacement de Danny Janvier. Avant de continuer avec Sarkozy, entre autres, on va aller voir un certain Mathieu Plante et son collègue Kiwan voir ce qui s'en vient plus tard aujourd'hui à Assemblage Requis. Ce mercredi dans Assemblage Requis, le retour de la chronique politique de François Landry, les sorties culturelles de Sébastien Dulude et la chronique technologique CNX. Oh, et Kiwan va sûrement réussir à placer un mot ou deux sur quelque chose de pertinent. Assemblage Requis, mercredi, 15h. Je la vois qui se promène entre tes beaux dentiers. As-tu ben dit framboise et pomme? Pas trop compris, mais c'est ce que j'ai cru décoder. Ça, c'est de la bonne gomme, framboise et pomme. C'est de la bonne seconde, framboise et pomme. Ça, c'est de la bonne seconde. T'as les yeux dans le même trou quand une balloune te pète sur le nez. Ça pourrait être la chance pour un jaloux de s'approcher et de surprendre la merveille masquée. Fred Fortin qu'on vient d'entendre avec la pièce La Merveille Masquée, Toon pour Léonie. C'est de la bonne petite gomme, ça, cette chanson-là. Cherchez la bonne gomme. C'est dans Dîner de con jusqu'à 13h avec moi, Mathieu Plante, en remplacement de Danny Janvier. André. Oui. Sarkozy. Ah, la restauration. Retour à l'ère monarchique en France. Écoutez, page A26 de la presse d'aujourd'hui. On parle de l'ascension fulgurante du fils du président. Alors, on parle bien sûr de M. Nicolas Sarkozy. N'est-ce pas? Les bien sûr. Pattes. Les petites pattes. Les petites pattes avec une Rolex. Uh-huh. OK. Le bling bling. Bling bling. Monsieur bling bling en France. OK. Là, il y a un fils de 23 ans qui s'appelle Jean. On l'a déjà surnommé Prince Jean. Prince Jean Sarkozy. Prince Jean. Prince Jean, il est à sa deuxième année en droit à l'université. Mais il fait ses études un petit peu à temps partiel parce que là, lui, il aspire plutôt à aller diriger finalement une des plus grandes institutions économiques de l'Europe, c'est-à-dire l'établissement public de la défense, l'EPAD, c'est-à-dire EPAD. OK, donc ça, c'est en plein cœur de Paris, c'est le quartier financier de la ville, c'est là... Le Wall Street, si on veut de la place. C'est le Wall Street, si on veut de la place, OK. Et ben là, écoute, comment ça qu'un jeune garçon de 23 ans se ramasse à la tête ou est en vue pour aller à la tête d'une des institutions les plus prestigieuses comme ça. Le gars, c'est un illustre inconnu. Qui gère tant de milliards de dollars. Mm-hmm. Habituellement, c'est des postes dévolus à des gens qui ont terminé leurs études, qui sont confirmés, qui ont une expérience à des messieurs, finalement. Là. C'est ça, des hommes d'affaires là, qui ont des l'expérience. Hommes d'affaires, en masse. Et voilà. Lui, il est déjà conseiller régional. Bon, écoute, ça soulève toutes sortes de tollés, là. C'est-à-dire, comment se fait-il qu'un père comme... Parce qu'il faut dire que Sarkozy, le père, Nicolas, a été lui aussi président de cette institution dont on parle. Par hasard total, j'imagine. L'établissement public de la Défense, oui. Mm-hmm. Donc, on essaie, puis, on crie à un retour à la monarchie, favoritisme. Népotisme, ou comment t'appelles ça? Ah oui, mm-hmm. Ou tu sais, monarchie héréditaire, tu sais, toutes les craintes, toutes les peurs sont sorties dans cette histoire. D'un autre côté... d'un côté, on dit qu'il n'y a pas assez d'expérience, oui, ça n'a pas de bon sens. D'un autre côté, la Déclaration des droits de l'homme de 1789 écrit que les postes sont attribués selon les capacités et les mérites. Mais on dit tout de suite que le seul mérite du fils à Sarkozy, c'est d'être venu au monde. c'est un beau talent quand même à avoir. Là, à considérer la carrière éclair de ce petit, de ce prince Jean, on doit bien admettre qu'il s'est surtout donné la peine de naître. Voilà le genre de commentaire que l'on fait. Mm-hmm. Mais quand même, dans cette controverse, le Patrick de Davidian, qui est le président sortant de l'établissement public de la Défense, lui, il soutient la candidature de son successeur, c'est-à-dire Jean Sarkozy. Ouais, mais sûrement qu'il a été genre... le président Sarkozy a dû lui dire genre, « Hey, t'es mieux d'être de mon bord, puis fais pas ça, parce que sinon tu vas être banni de la ville, fait, tu pourras plus jamais travailler. » Il cite Corneille en disant, « Aux âmes bien-nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. » Ah, donc c'est pas parce que t'es jeune que t'as pas le talent pour le faire. Ça, c'est vrai. Parce que j'ai un de mes amis qui est talentueux depuis toujours, et puis depuis 23 ans. Mais lui avait fini ses études de droit quand même, mm-hmm. puis depuis qu'il a 23 ans qu'il pratique. Là, puis il a toujours été dans des hautes fonctions. Donc oui, il y a des gens des fois comme ça qui des prodiges. Prodiges ou appelés à évoluer plus vite. Mais là, dans ce cas-ci, c'est pas ça. C'est profiter de... C'est de facile de dire aux âmes bien-nées, la valeur n'attend point le nom, mais... Comme Nicolas Sarkozy est un parfait imbécile, je vois pas en quoi son fils pourrait être mieux. la pomme ne tombe pas loin de l'arbre ou quelque chose. Voilà. Ça. Mais par contre, ce serait dommage pour le fils, pour Jean, appelons-le Johnny. Johnny. Ce serait dommage pour le lui. Johnny. Le Johnny Boy. Ce serait dommage pour lui que sa carrière marche pas parce que les gens disent qu'il a eu sa job juste à cause que c'est le fils de l'autre. Peut-être qu'il a le talent, mais il va falloir qu'il se prouve lui-même. Il va falloir qu'il aille faire la job et qu'il la fasse comme il faut. Puis là, peut-être que les gens vont accepter le fait que c'est pas juste parce que c'est le fils de l'autre, c'est aussi parce qu'il y a un certain talent. Non, mais ça part déjà comme ça. Ouais, ça va déjà être difficile d'enrayer cette image-là, ouais. Et puis d'en venir à faire le portrait, le focus sur lui. Je dis pas si son père n'était plus en politique. Ouais, mais là, s'il avait arrêté. Son père est le président de la France, puis lui deviendrait président de l'établissement public de la Défense. C'est beaucoup de pouvoir entre les mains d'un seul si on considère qu'il y a une filiation naturelle. Absolument. Absolument. Voilà. Bien dit. Ben voilà. Ben voilà. Ben voilà. Ben voilà pour Sarkozy. Tu sais que Sarkozy, bon, la famille a beaucoup d'argent, quand même, tu sais, on peut le dire. Mais quelqu'un qui a moins d'argent, c'est une dame qui a été élue Miss SDF, donc sans domicile fixe, en Belgique. Lorsque les faits dépassent l'entendement et que les actes bouleversent la normalité, il est malaisé d'en comprendre le but. Hein? En Belgique, donc, c'est quand même loin, mais bon, on s'attendra pas au détail. Une élection des plus déroutantes a eu lieu cette année. Une dame de 58 ans a été élue Miss sans domicile fixe. Thérèse Van Bell avait toutes les facultés pour être jugée meilleure sans domicile fixe de Belgique. En effet, elle a un fort caractère et un parcours dur et atypique. En concurrence avec 8 participantes de février à octobre, donc ça vient de se terminer, elle a gagné le droit de vivre gratuitement dans une maison de location pendant juste un an. C'est comme quand tu gagnes un char pendant un an. C'est un peu agaçant. Ça, c'est ça. Qu'après ça, tu fais quoi quand t'as goûté à ça, tu sais? Ben... Est-ce qu'il y a une photo d'elle? Oui, en effet, il y a une photo d'elle. Je la vois parce qu'on en a vu une itinérante à Grand Place à Bruxelles. Puis je suis sûr qu'elle devait se qualifier. Là, ça... Oh, c'était une SDILF. Une SDFILF. Comme une MILF, mais avec un SDF, ça marche pas en tout. Mais bon, bref, donc pour les autres, rien du tout. Donc les autres gagnent à rien. Juste un encadrement pour tenter de décrocher un emploi stable. Donc, ils vont comme les mettre dans Sprint ou un projet, genre un job. C'est donc l'État paternaliste, l'État qui prend en main le citoyen. Voici comment faire ton CV. Ton CV avec rien du tout dedans. Marketing peut-être, véritable main tendue. Peut-être aussi, les organisateurs y voient un moyen pour les sans-abri de reprendre confiance en eux. Ah, c'est Madame SDF, sans domicile fixe. Allez voir la photo. Je vais mettre les liens pour faire changement, vu que je ne suis pas Danny Janvier, vous avez peut-être remarqué. Je vais les mettre sur mon site assemblagerequis.com parce que j'ai pas le mot de passe du Facebook du Dépitron. Mais assemblagerequis.com, c'est l'adresse pour aller voir les liens des articles d'aujourd'hui et donc la photo de Miss SDF. C'est filth. Dans Dîner de con, habituellement, Danny Janvier fait jouer une pièce de champion à tous les jours pour faire découvrir l'album. Comme je ne sais pas où il est rendu. On est quoi rendu à la 9e, mais je suis pas assez certain. Ouais. À la place, on va l'écouter celle qui est dans le palmarès pour la faire monter un peu. Parfait. Ça serait le fun. Donc voici Alive Again et ça va monter dans le palmarès comme dans le temps de le dire. Ça va être numéro 1, ça. C'est parti. Demain, ça. Demain. Tout de suite. Vous êtes dans Dîner de con. Eh oui. Ah, c'est fou, 89. Again de DJ Champion, ça vient de son plus récent album Résistance. Vous êtes dans le Dîner de cons avec Mathieu Plante en remplacement de Danny Janvier. Il y a André Baudet qui va être là encore tantôt pour parler de différents sujets d'actualité. On va recevoir Gilles Ladouceur, designer, pour sa chronique mode et tendance international. Mais avant ça, voici l'Info Campus. Reste avec nous. Vous êtes dans le Dîner de cons. Ah! retour, vous êtes toujours dans le dîner de con avec Mathieu Plante en remplacement de Danny Janvier, toujours avec André. Et oui. Oui, maintenant. Je suis toujours là. T'es toujours là. Ben oui. Oh, c'est faillissant. Et on s'en va voir. Oui, on s'en va parler. Attends, à oui. M. Gilles Ladouceur. Attention. Zangal. Bonjour, Gilles Ladouceur, designer. Salut, toi, ça va bien, mon beau Mathieu, c'est ça, tu me dis? Oui, ben c'est gentil de me dire que je suis beau. J'ai entendu, par contre, quelques commentaires que tu trouvais que j'étais là souvent, c'est fou. Oh, non, c'est pas moi, ça. C'est non? Mon alter ego. Ah, comment tu s'appelles, ton alter ego? Pierre-Charles. Pierre-Charles Ladouceur. Ben, Pierre-Charles Ladouceur, c'est ma... Vite, comme ça, c'est ma dualité, là. Je suis né comme ça. Moi, ma mère veut m'appeler Pierre-Charles. J'ai changé mon nom pour Gilles. Mais en réalité, j'ai comme deux personnalités, mais je la sors pas souvent. Mais Pierre-Charles Ladouceur sort souvent. Première chose que je voulais dire, Mathieu, il y a enfin quelqu'un qui s'est réveillé dans cette compagnie-là. Je voulais savoir, vous autres, c'est fou. Êtes-vous un but non lucratif ou un but lucratif? Non lucratif. Lucratif ou lucratif? Non lucratif. Ah, tu vois, moi, c'est... OK. Ah, tu vois, je fais ça, c'est lucratif. Lucratif. Fait que le gros, comment moi je l'ai fait tout le temps, là, c'est bien gentiment, le gros parfum, là, tu l'as tassé seulement. Enfin, là, pour que le show ait de l'allure un peu, là. OK, donc tu parles de Danny Janvier, là? Oui, je parle, mais tu sais, je connais pas son nom, là, moi je l'appelle tout le temps gros parfum. OK, fait que je vais te citer là-dessus, là. Non, mais ça me dérange pas, moi je vais te baisser un peu, moi je vais dire, il est temps que quelqu'un se réveille. Peu importe. Bon. Salut André. Bonjour, ma belle Gilles. Ça va bien? Ben oui. Bon, si ça pouvait être autant pour moi. Comment ça, qu'est-ce qui va pas, Gilles? Ben, tu me parles. Bon, les boys, je commence ma chronique cette semaine avec une devinette. OK. Mm-hmm. Faut vous situer où est-ce que je suis dans le monde. Non. Je suis sur un continent européen. OK. OK. Il y en a plusieurs. Mm-hmm. Oui. Les gens où je suis ont les yeux bridés. Oui. Et on l'appelle le pays du soleil levant. Ah, tu seras pas au Japon. En japonnerie? Non, mauvaise. On voit que tu voyages pas beaucoup. Mathieu, tu as pas de chance? Je veux dire en Japogne pas. En Japogne pas, c'est aussi ça, mais maintenant je suis en Chine, les boys. Ah. Je suis en Chine, sur un continent. Et cette semaine, je vous parle d'une affaire. Je sais que je dérive souvent de mes chroniques. De ben Kempo. Non, voyons. J'ai vu, vous vous rappelez de Lady Patate la semaine dernière? Oui. Cette semaine, j'ai vu quelque chose. Je suis à Hong Kong. À côté d'Hong Kong, c'est une petite île à Hong Kong. C'est une boutique. Et là, vous allez tomber sur la fesse. J'ai jamais entendu ça de ma vie. Je le croyais pas. J'avais eu des qui-dire. C'est, est-ce que vous aimez ça, vous, la moustique? Les moustiques, en général. Non, vous savez, non. N'avez-vous dans votre coin, vous autres? Trop, mais là, de ce temps-ci, c'est moins pire. Ouais. Alors, je vous parle d'une boutique. Ça s'appelle la moustiquerie. La moustiquerie. C'est une boutique où tu vas t'acheter un moustique pour en faire ton animal de compagnie. Ah. Attention, ton animal de moustique. Exact, un animal domestique. Beau jeu de mots, mais c'est ça que Denis n'a pas. C'est ça que Denis n'a pas. Là. C'est ça le contenu que j'amène à ces fous. Tu me suis, là. T'es là avec moi. Mm-hmm. Alors, je vous explique le principe. C'est le même concept qu'une animalerie. Cependant, tu t'en vas acheter des moustiques. Okay. Alors là, je vais aller encore beaucoup plus loin que ça. Je vous explique. Il y a les matériaux secondaires. Exemple, tu peux t'acheter ta laisse pour traîner ta moustique. Bien sûr. Il y a plusieurs types de matériel. On parle. Il y a du diamant, il y a du Francfort, il y a du Pauvreti, il y a du Palmentis. Il y a beaucoup, beaucoup de matériel. Mais en plus de ça, je vous mets dans le concept. Pour rentrer dans la boutique, il y a des, je dis pas des millions, il y a des milliards de vitrines. Et la boutique est tellement petite, ça fait à peu près 4 pieds par 5, là. Il y a plus de vitres que de plancher. Et il y a des moustiques partout dans les petites moustiques. Là-bas, comment ils appellent ça? Parce que le monsieur qui tient ça, c'est le monsieur Yom Kippour, comme le pays, le Yom Kippour. Oui. Un chinois. Et lui, ce qu'il fait, il tient une quantité, mais phénoménale, de moustiques. Alors, voilà la table est mise. Je vous mets maintenant en considération. Alors, tu rentres. Alors, moi, je fais un pas dans la salle, je rentre. Et là, en même temps, je vous parle, là, je mime, là. Oui. Je fais un pas, je rentre, et là, je regarde des millions de moustiques. Tous enfermés dans des petits enclos vitrés. Alors là, avec les enfants, tu rentres, les enfants, les grands-parents, les petits amis, les homosexuels, les bisexuels, tout le monde peut rentrer. Il n'y a vraiment pas de discrimination. Donc, et là, tu peux acheter ta moustique. C'est très bien de dire ta moustique parce que ici, en chinoiserie, la moustique est féminine. C'est un don de Dieu, la moustique est vénérée par les Chinoises. Et c'est seulement des Chinoises. Oh. OK. De toutes les nationalités, les Chinoises. Toutes les sortes de Chinoises. Oui, toutes les sortes de Chinois peuvent venir. Et là, exemple, et c'est pas des blagues ce que je raconte, là. Je l'ai vu de mes yeux vus. Alors, tu rentres, tu parles au monsieur Yom Kippour en question, et là, il va te dire vers quel type de moustique tu veux en aller. Parce que chaque moustique a une personnalité. C'est comme la SAQ, là. C'est comme ta petite pastille de moustique, là. Exactement. Ouais. Mais tu vois, ça, c'est pas des pastilles, c'est des lastiques. Ah! Oui, parce que toutes les moustiques, peu importe leur grosseur, sont tous retenus au sol avec des élastiques. Pour pas qu'ils s'envolent, mais oui. Mais oui, pour pas qu'ils s'envolent, exactement. Et là, là, exemple, là, tu rentres, tu expliques ta personnalité à M. Yom Kippour. Alors, de mon côté, moi, j'ai commencé de plein fouet. Je lui ai dit, je suis un homme. Mais moi, j'ai commencé tout de suite en... J'ai pas voulu faire de secret, de cachette. J'ai dit, je suis un homme. Non, faut l'avouer quand même, là. C'est pas un secret. C'est ça. Non, c'est ça. C'est pas un secret. Alors, j'ai commencé comme ça. Je lui ai dit, je suis de tempérament joyeux. Mm-hmm. Que j'aime pas les chats. Que j'aime pas les mouches. Que j'aime pas les moustiques. Mais que j'ai dit, pour M. Yom Kippour, je ferai une spécialité. Alors là, il m'a envoyé vers la moustique Pumpkin. C'est une moustique en forme de citrouille. Elle a l'air d'une citrouille. Là, pas comme, là, je veux pas vous dire que ça a l'air comme Madame Lady Patate. Là. Elle a pas l'air d'une patate. Là, comme, mais, la moustique a l'air d'une citrouille, mais elle est grosse. Grosse. Oui, c'est une moustique qui se nourrit de pangping. Le pangping, ça, c'est une espèce de gros animal en Chine. Alors, c'est une moustique carnivore, mais minuscule. Alors là, ben, peu importe. Alors là, j'ai ma moustique, mais là, je dois l'habiller, ma moustique. Alors oui. Alors toutes les marques sont là. Calvin Bean, Tommy Bilfinder, tout le monde est là. Et là, tu peux habiller ta moustique. Oui. Alors là, une fois que ça s'est fait, excusez-moi, parce que je vais enchaîner, je vais essayer de t'insérer. Là, j'ai ma moustique, je l'ai habillée. Moi, elle était griffée, je vous jure, ma moustique, là. Mais elle est pas grosse, oubliez pas, vous savez de quoi ça a l'air d'une moustique. Ben oui. Soit dit en passant, pour les parents qui écoutent, leurs dards ont été enlevés, hein. Comme ça, ils ne mordent pas. Il faut seulement les nourrir un petit peu de sang, qui se vend d'ailleurs à la boutique. Peu importe, parce que j'entendais des gens dire « Je suis allergique aux moustiques là-bas. » Ils disaient ça là-bas là, en chinois, là, qu'ils disent « King Kong Kong Kong, t'es allergique. » Non, non, les moustiques ont été enlevés de leur dard. Ils ne sont pas comestibles non plus. On ne les mange pas. Là. Okay, okay. Et là, finalement, tu peux acheter ta nourriture pour la moustique, comme je disais. Et là, c'est le temps d'acheter ta laisse. Ah. Et c'est là que je dis que c'est tout là, l'éventail de la chose. Et bien, il y a une quantité, là, je vous dirais, là, ma foi, là, extraordinaire de laisse. Et là, tout simplement, une fois que tu t'es fait, moi, t'as coûté, je pense, 200 000... comment qu'ils disent ça, donc? Dollars. Ah ben c'est ça que je voulais poser. C'est bien dispendieux. Non, c'est très cher. La moustique est très chère. Mais voyez-vous, moi, je l'ai en ce moment, là, je la fais à jouer dans l'oreille, là. Là, je la vois, là, je la tiens avec ma lettre, je me prenais avec ma moustique. Je vais vous dire une chose, en Chine, ça devient de plus en plus populaire, ça. Alors, c'est la boutique La Moustinerie à Hong Kong, je tiens à souligner, sur le continent européen, à côté du Japon, en Chine. Bon. C'est la moustiquerie. C'est extraordinaire. Mais qu'est-ce que je veux vous dire, c'est que c'est pas pour tous les portefeuilles. Parce que 200 000 $ la moustique, puis elle a une espérance de vie d'environ 2 semaines. Ça revient cher. Mais c'est très, très in. C'est très... Mais c'est des dollars, des dollars spéciaux, des dollars chinois ouais, yeux. C'est ça. Oui, ben, j'ai pas compris ta question, mais je vais dire oui, là. Oui, ben, tout à fait. Non, je sais, j'ai pas compris, Mathieu, excuse-moi, mais peux-tu répéter la question, s'il te plaît, comme à la guerre des glands, là? Écoute-moi ça, même là-bas, là, je l'écoute ici, là. Ouais, ouais. Non, mais la question, c'était, tu me disais, mon beau Mathieu? Avec plaisir, comme ils disent. Oui. Je demandais si c'était des dollars comme on les connaît, ou c'était des dollars chinoisieux, ou quelque chose ben, du genre. C'est exactement la question que je posais au gars quand j'étais là-bas, c'est quel type de dollars que tu veux. Moi, j'ai donné des dollars américains. OK. Ah. Okay. Parlant de l'or américain, mais je pense que tu aurais payé en dollars kenyans ou dollars sénégalais. Non, là. Mais c'est le même montant pour tout le monde. Mm-hmm. C'est le même montant pour n'importe quelle devise. Fait que tu choisis. 200 000. Peu importe en quelle manière tu payes. Bon. OK. Puis là, j'ai fait une blague là-bas. J'ai dit, prenez-vous l'argent canadienne Tire. Canadienne Tire, c'est ça, je pensais. Il a pas pogné, là. Il n'a pas pogné, là. Il n'a pas compris. Non. Fait que c'est ça, les boys. Fait que, regardez, là, vous le savez, à www.jeuxdugil.com, j'ai toujours les photos. L'adresse change souvent, hein, de ce site-là, me semble. Je veux. C'est pourquoi, Mathieu, mon Mathieu? Ben, parce qu'il y a des gens qui te volent ton site, non? Il y a des exactement. Des fraudeurs. Moi, mon serveur est en Antarctique. Okay. Je dois toujours aller changer. Mais là, à un moment donné, faire des allers-retours en Antarctique, aller changer de serveur. Je lui dis, ben, moi, changer de site, tant qu'il y a tout le temps prendre l'avion pour aller en Antarctique, ben, changer de serveur. Fait que c'est la moustiquerie, Hong Kong. C'est vraiment génial. Puis vous allez voir une photo, là. Là, je voulais l'apprendre. Moi, je voulais appeler Young Kiki, ma moustique. En l'honneur du gérant du magasin, bien sûr. Oui. Exactement. Parce que c'est un homme de foi, comme on dit. C'est un homme de foi. Il y a eu une grosse crise du foie, là. Ouais, c'est ça. C'est dans mon mauvais que j'ai ça, mais c'est vraiment un homme de foi. Il y a eu, d'ailleurs, comment tu dis ça, là, quand tu te fais mettre un foie d'une autre personne, là, transgresser le foie d'une autre personne? Le foie. Ils ont transgressé le foie. Je te dirai une autre fois. C'est un homme de foi, et c'est pour en son honneur que j'ai appelé ma moustique Young Kiki. Bon. D'ailleurs, elle me suit pas vous faire dire bonjour, là. J'y flatte sa petite aile, là. Oui. Oh, il fait dire bonjour. Là, je m'en vais avec elle, mais si j'avais l'argent, je m'en ferais acheter à peu près 200 millions pour pouvoir voler avec eux autres. C'est tout en laisse. Avec une corde, une ficelle. C'est ça, une genre d'équitation, mais avec de la moustique. Mais, c'est bien spécial, en tout cas. Mais tu sais, Gilles, toi, t'es mon petit moustique à moi, hein? Ouais, ça serait juste plate parce que toi, tu l'es pas, mon moustique. Oh. Mais pas chanceux avec toi. Non, mais comme on dit, même si tu m'emmènes une corde, ça veut pas dire que je vais attirer à l'autre bout, là. Non, non. C'est ce que je veux dire, là. Hey, les boys, la semaine prochaine, je reviens au Québec. Oh, OK. Ah, oui. Oui, je viens au Québec et je vais vous faire une espèce de... Comment il dit ça le mot, là? Un rassemblé. Un okay. rassemblé de mes gros coups de cœur de mon périple, là, dans le West Island. Je vais vous dire ça, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai pas aimé. Et je reviens avec un nouveau produit que je lance en grande pompe. Et là, c'est pas comme les 5 ml de Coke et de Pepsi que je vous parlais l'autre jour. Non. C'est, je voulais pas faire une publicité gratuite non plus, là. Non. C'est une crème qui fait grandir le poil des aisselles. Vous savez, l'hyper sexuel est en pleine expansion. Le poil revient très fort en 2015, je pense, dans le calendrier du poil. Et qu'est-ce que je veux dire? C'est une crème, là, je vous le dis, tu la déposes et le poil pousse. C'est pas donné pour tout le monde. Non. C'est instantané? Ça prend une peau alcaline, excusez-moi. Ton rassemblé, Gilles, tu vas le faire directement ici en studio. Tu vas nous appeler encore. Quand tu dis que tu vas être au Québec, est-ce qu'on va pouvoir te voir physiquement un jour ou tu restes toujours une ombre? Je m'avance pas trop loin. Il va falloir que je parle à mon gérante. OK. Mais je crois que je vais être en studio dans le prochain mois pour venir faire avec vous l'émission. Ah, ça serait. Si je fais en studio, je vais essayer de passer le plus avant possible avec vous autres. Parfait. Ah, ça serait bien fin. Mais si c'est possible de mettre une espèce de quelque chose pour me cacher Danny. Pour pas que je le vois. Un mur. Ah, il y en a déjà un. Il y en a déjà un qui est parfait. Oui, c'est fait, on le sait. Il y a une belle voix, par exemple, là, mais j'aime pas bien ça le voir. Non, c'est pas que je l'aime pas, mais il me donne le goût de vomir. Surtout que j'aime pas bien la bouffe là, à votre place. Là. C'est pas bien bon, là, parce que moi, je mange seulement du chinois maintenant. Bon. Je mange des gros. Fait que les boys, Mathieu, lâche pas. Si tu es capable de venir la semaine prochaine, mais donne-donc le coup. Parce que moi, en tout cas, moi, je t'encourage, je vote Mathieu. Ah, trop fin, ce Gilles de la douceur, briseur de cœur, mais porte-toi tellement... Porte-toi bien, Gilles. Ben, allez, boys, lâchez pas, puis comme d'habitude, je vous écoute pas pour gérer cette émission. C'est cool. Bon. Salut, mes beaux, bye-bye. Merci, Gilles. Bye-bye, un beau bye-bye. Bye. Le site de Gilles la douceur des honneurs va être référencé sur le site du Dîner de con, c'est www.ledinetdecon avec Danny Janvier, mais Mathieu Plante en remplacement de Danny Janvier et AndréBaudet.com. Hein? Moi aussi, je peux en inventer des adresses. De ben chiffre. Oui, c'est pas pire, ça, tabarouette. Bon, ben coudonc, on va peut-être le rassembler. On verra le rassemblé de Gilles Ladouceur. Qu'est-ce que ça sera la semaine prochaine? L'assemblage sera requis, comme on dit dans le domaine. Et voilà. Voilà. Vous êtes toujours dans le dîner de cons. Un peu de musique, hein, prendre une pause un peu? Tu as ça? Ben oui. Ben ouais, ça me tente. Bon, ça. Qu'est-ce que tu nous envoies? Plagiat, information plagiat. Une pièce que j'adore. Tu vas peut-être l'aimer toi aussi. Super. Voici Beautiful Explosion. Ça. Dans le dîner de cons. Stay away from the subways. Don't stand close to suspicious cars. We're about Oui, toujours en dîner de con avec Mathieu Plante en remplacement de Danny Janvier, toujours avec André Baudet. On va parler un petit peu d'actualité plus locale. Écoute, on parle là, on est en première page d'une nouvelle liste aujourd'hui, là, c'est problème, là, c'est la vigueur du dollar canadien qui fait mal. On parle des compagnies comme Commonwealth Plywood, Arbec, OSB, panneaux OSB qui doivent suspendre la majeure partie de leurs opérations pour les prochaines semaines, voire les prochains mois. Ben oui, évidemment, un dollar trop élevé. On flirte avec la parité du dollar américain. Ça fait en sorte que ça nuit à nos exportations, ouais, évidemment, parce que ça coûte plus cher. J'ai toujours dit que c'est important qu'on ait un dollar assez fort, mais là, trop fort, c'est pas mieux non plus. Par contre, les entreprises qui, dans le passé, ont prévu que le dollar allait, comment je pourrais dire, monter, à ce moment-là, ben ils avaient quand même inclus, probablement dans leur plan d'affaires ou dans leurs opérations, que ils auraient une genre de chute des exportations. Donc, s'ils avaient planifié le coup un petit peu plus, ils ont pu s'en sortir. C'est sûr que c'est plus dur pour les entreprises qui font une gestion plus quotidienne de ces choses-là. Donc, évidemment, d'un côté, c'est bien. Ça prouve qu'on vaut plus cher. Mais d'un autre côté, c'est certain que les gens sur la scène internationale vont beaucoup plus magasiner avant de consommer. Et crise économique oblige, on parle de domaine de la construction ici, ben tout est à zéro. Aux États-Unis, il se passe rien, donc il se passe rien ici aussi. Alors, c'est un petit peu ça là, qui est le problème de cette industrie. Donc, ben écoutez, c'est à voir comment on va réussir à relancer toute cette économie, comment on peut relever un marché qui est complètement à terre. C'est un contexte qui est comme ça, mais bon, voilà. Pour ces pauvres, une bonne nouvelle en amène une mauvaise, malheureusement, tout le temps comme ça. Absolument. Et voilà. On va faire un petit tour en Belgique avant de retourner. Ben oui, encore en Belgique. Ouais, parce qu'il y a des lycéens là-bas qui font la grève contre la suppression de la récré. Des élèves du lycée Richard Stievenaar se sont lancés dans un mouvement de grève lundi afin de manifester leur mécontentement concernant la suppression de la récré de l'après-midi. Donc aujourd'hui, là, en date de mercredi, la situation est redevenue normale et la récréation de nouveau d'actualité. Des feuilles qui brûlent, des cris, des coups dans le mobilier, des insultes. C'est ainsi que les lycéens, assez rebelles, ont manifesté leur mécontentement face à la suppression de la pause d'après-midi. Une démarche que la directrice de l'établissement juge peu intelligente, préférant le dialogue, plutôt que la violence et les hurlements. Après discussion et plusieurs heures d'immobilisme de la part des élèves, ces derniers ont obtenu gain de cause puisque les 10 minutes de récréation ont été réintroduites. Tu vois ce que ça veut dire, ça, là? Selon moi. Ça veut dire que peu importe ce que la direction va faire, ils vont juste avoir à crier, faire ça sur des affaires, puis après ça, silence total, puis ça va passer, puis « Ah, on veut avoir, de la liqueur gratis dans l'école! » Gratis! Non, mais ça va mener à quoi, ces affaires-là? Ça pourrait s'emporter un peu. Eh oui. L'immigration. Nomination d'un ancien haut placé du régime Aristide. Le ministère de l'immigration savait Le ministre de l'immigration, Jason Kenney, a toujours soutenu qu'il ne savait rien du passé de Farès Pierre, nommé membre de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié. Ça, c'est la CISR. Donc, la CISR. La CISR. Donc, c'est un document obtenu par la presse grâce à la loi sur l'accès à l'information. Excellente, cette loi. Montre en effet que le communiqué qui a annoncé la nomination de Farès Pierre devait à l'origine mentionner qu'il avait été chef du cabinet du président, du premier ministre dans le gouvernement Aristide entre 2002 et 2003. Non, non, on recrute les anciens tontons Macoutes. Hein? Les anciens tontons Macoutes, les tontons Macoutes, ça, c'est Haïti, les membres d'une milice paramilitaire. Des volontaires de la Sécurité nationale créés à la suite d'un attentat contre le président François Duvalier le 29 juillet 1958. Cette milice sera quand même conservée après et utilisée à bon escient selon le régime par le fils de François Duvalier, c'est-à-dire Jean-Claude Duvalier, jusqu'à ce que celui-ci soit chassé d'Haïti. Je me souviens encore de voir s'enfuir les Duvaliers aux infos, on les voit s'enfuir en auto de là. Pauvre Haïti, tout le temps. Bon, alors, ce qui aurait engagé un gars, en effet, un monsieur Pierre, qui, lui, aurait travaillé au sein, avait des fonctions importantes, si on peut dire, dans la politique haïtienne avec monsieur Aristide. Donc, ça met un petit peu de temps en place, une espèce de questionnement par rapport au fait que lorsque lui, qui est habilité à recevoir les immigrants, lui-même immigré, quelle attitude aura-t-il face aux Haïtiens qui sont venus ici, mais on certifie qu'il ne s'est jamais occupé de dossiers haïtiens. Ah. Mais pourquoi qu'on n'a pas nommé un Québécois là ou un Canadien? C'est ça que je comprends pas, moi. Je veux dire, le gars, il a étudié, il a des études, bon, qu'est-ce qu'on dit déjà? Bon, il a obtenu son baccalauréat spécialisé en mathématiques, avec option en enseignement secondaire, ainsi qu'une mineure en administration et en sciences politiques de l'Université du Québec à Montréal. S'est-il contenté d'annoncer le titre février dernier? Donc, c'est pas quelqu'un qui arrivait de l'extérieur avec une formation complètement inusitée dont on pouvait se passer. Là, on avait plein de Québécois là, du monde là, ici là, qui pouvaient remplir ce poste-là, je suis sûr. Pourquoi qu'on est allé chercher ça, je sais pas encore. Ça met un petit peu le ministre dans l'eau bouillante, mais tant mieux, il faut qu'il se passe quelque chose pour que les conservateurs soient discrédités et qu'on les tasse de là. Puis quand ce sera les libéraux au pouvoir, ben on dira faut tasser les libéraux de là. Ah, même quand si ce sera le NPD, on dira faut tasser le NPD. Hein? N'importe qui, on va tout le temps jamais satisfait. On sera jamais satisfait. Moi, je dis peut-être qu'il coûtait moins cher. Peut-être pour ceux qui l'ont, en tout cas. Ouais. Ben, c'est la raison de Bell, en tout cas. Pour engager des... On verra 1er novembre, en tout cas. Hein? J'en reviens tout à l'heure, là, parler un petit peu plus de ça, là, pour les candidats de la région et tout. Tantôt. Avant ça, on va parler de Ninja. Ninja. Minimum, parce que moi, il me faut ma dose de Ninja une fois de temps en temps. Je suis pour ça, moi, je suis pour les ninjas. Okay, c'est Ninja du pape. Oui, c'est ça. Donc, la police a arrêté un homme déguisé en ninja qui menaçait de s'en prendre à un sénateur aux États-Unis. L'homme âgé de 30 ans était déguisé en ninja et agitait des nunchaks. Lorsqu'il a été interpellé par la police, il aurait déclaré vouloir s'en prendre au sénateur américain Joe Lieberman, il a été arrêté dimanche, pas Joe Lieberman, mais le ninja, pour atteinte à l'ordre public. Il s'est montré coopératif et s'est calmement rendu après que les policiers ont sorti leur taser. Vous connaissez la controverse des tasers. La police l'a ensuite conduit à l'hôpital pour effectuer une évaluation psychiatrique avant de le relâcher. Les autorités ont également déclaré avoir reçu plusieurs appels d'urgence de personnes ayant aperçu le ninja. Donc, si le ninja a été aperçu, est-il vraiment un ninja? Est-il vraiment un ninja? Pas supposé le voir, c'est un ninja, c'est furtif, un ninja. Supposé évoluer dans l'ombre. Bon, ça va faire. On viendra avec d'autres actualités tantôt, mais on s'en va entendre pour l'instant une pièce de Malajube. Voici le Tout-Puissant. Vous êtes dans le dîner de con? Et voilà, jusqu'à une heure. Maximum. Laisse couler ta salive. Laisse parler They scratch themselves. C'est fou, 89.1. Jusqu'à 13h. Oui, toujours un dîner de con avec Mathieu Plante en remplacement de Danny Janvier qui est parti confesser ses péchés. Et voilà. Ça prend beaucoup de temps quand même, au moins 2 heures. C'est quand même assez long, hein? Mm-hmm. Beaucoup de péchés. Bon, mais qu'est-ce que tu veux? La pêche est bonne. Donc, non, mais c'est péché. Ah, c'est lui, ça, c'est la fin. C'est la fin. André, un petit peu d'actualité encore cette fois? Ben, j'ai eu QTR qui veut reconsidérer son adhésion à la FUQ. Bon, écoutez, c'est l'association. C'est l'association générale des étudiants de l'UQTR et des associations étudiantes. Alors, en fait, ils sont gérés, eux, par la FEUQ, là, qui supporte ou qui chapeaute un petit peu ou qui est un peu le réseau de ces membres, de ces associations générales d'étudiants. Eh bien, là, on reconsidère. On a fait dans 3 mois, on aura un référendum où on posera la question aux étudiants. Est-ce que vous voulez continuer à être chapeauté par la FEC? Donc, c'est à ça à quoi ils devront répondre. On voit que déjà plusieurs universités s'étaient retirées. Depuis 2004, 5 associations étudiantes ont quitté la FEUQ. C'est ça qu'on... Est-ce que c'est encore très pertinent d'avoir cet organisme qui chapeaute tous ces organismes encore là? C'est ce que nous verrons. Et alors, les étudiants sont appelés à se prononcer éventuellement là-dessus. C'est de l'actualité du campus. On est à Radio Étudiante, n'est-ce pas? Et voilà. Et c'est important pour les étudiants d'aller peut-être trancher, parce que je vois qu'il est arrivé toutes sortes de trucs avec les employés de la FEUQ qui ont renversé livrés à un jeu politique. Il y a plus de détails dans les journaux, notamment à page 35 du Nouvelliste. Là, je ne commencerai pas à vous lire tout ça. C'est beaucoup de détails assez C'est croustillant, là. Donc, c'est ça. Alors, allez lire ça. Vous allez voir un peu plus de détails. Mais bon, sachez que les étudiants auront une grosse question à se poser. Mmh. Voilà. Même. Érection municipale. Écoute, pas grand-chose à dire, si ce n'est que ce sera le 1er novembre. Qu'il y a toute une pléiade de candidats de part et d'autre, mais on va juste soulever la petite différence entre Montréal et les régions. Ouais. Montréal, on a un discours politique. T'sais, on a Louise Arel, on a Gérald Tremblay, on a M. Bergeron. Alors qu'ici, nous, ce qu'on a en région, c'est M. Claude Lacroix qui a été arrêté pour harcèlement et menace. On ne dit pas trop pourquoi, mais on sait qu'il a été arrêté. Lui, c'est le candidat, c'est un conseiller municipal ici, ça. Alors, tu as aussi le candidat à la mairie de La Tuque, Jean-Paul Tremblay, accusé de l'enlèvement de sa propre fille. Ah, sa propre fille. Il y avait une ordonnance de garde. Il n'a pas le droit de la voir. Exactement, puis il a contrevenu à ça. Il est allé la voir de force. Alors, je me dis, c'est quoi la joke? Pourquoi en région, c'est la médiocrité comme ça? Pourquoi est-ce que c'est tout des repris de justice? On pense aussi à Yvon Duhem, l'ancien propriétaire de l'auberge Grand-Mère, qui voulait se présenter en politique, mais était arrêté pour une 6e fois, pour la faculté affaiblie, puis continuer à faire de la politique. Je dis pas qu'il faut être complètement blanc. Non, pas blanche, là. C'est pas ça que je veux dire, là. Mais. Faut que tu aies quand même une certaine crédibilité en tant que. Tu sais, je veux dire, si tu veux te faire élire, si tu veux être en politique. Ben là, pas faire des affaires comme. Tu sais, je veux dire, c'est parce qu'à un moment donné, là, c'est que les. C'est des bandits, à un moment donné, on essaye. Ce sera le fun que nos politiciens soient des gens honnêtes un petit peu, au moins. Du moins, d'emblée, là, s'il y a des affaires cachées qu'on ne saura jamais, OK, mais commencez pas en perdant en étant, accusé d'harcèlement ou d'enlèvement, syncope. Le mot est juste, syncope. Donc, je dirais, politique municipale en région, choisissez bien vos candidats, laissez-vous pas impressionner. Et puis, que diable, choisissez des gens qui ont un petit peu de tenue en société, s'il vous plaît. Du bon monde. N'oubliez pas que c'est eux, après, là, qui vont vous représenter, là, puis qui vont prendre les décisions, là. Tu sais? Hein? Bon. Ça vole pas haut! Non, ça vole pas haut. Sais-tu quoi, qu'est-ce qui vole pas haut non plus? Ah ouais, donc? C'est une femme qui conduisait avec un téléphone portable à chaque oreille et sans les mains. Ah oui, ben oui. Tout en même temps, les genoux, probablement, elle conduit. C'est... Une femme de 40 ans a été arrêtée par la police sur l'autoroute alors qu'elle était en train de téléphoner en conduisant. Ça se passe en Allemagne. Elle avait en effet un téléphone portable à chaque oreille, ce qui l'empêchait de tenir le volant avec les mains. Les policiers qui roulaient sur la file voisine l'ont prise en flagrant délit. En les voyant, elle a tout de suite lâché les deux téléphones, mais a tout de même été arrêtée et doit maintenant payer une amende élevée. J'espère qu'elle a été arrêtée pareil. Je lâche mes téléphones et soudainement, je suis coupable, non, tu sais. Ouais, c'est même pas moi. C'est pas moi. Ridicule ce que le monde peut faire. Come on! Je te gâche que ça va devenir sénateur ou premier ministre. Ouais. T'aimes-tu ça à l'eau danseuse, toi? Je suis pas un amateur à date, non. Bon, ben, tant mieux, t'auras pas besoin d'y aller à Bécancour, hein, parce que pour moi, le bar, l'industrie, elle. Elle? Oh, c'est un jeu de mots avec le mot elle. Très beau jeu de mots. Ouais. L'industrie nulle, parce que bon, la demande de révision est irrecevable. On avait fait, après avoir rejeté sur le banc le 5 octobre dernier, la demande de remise d'audition. Soumise par le promoteur du projet de bar L'Industrie. Elle, à Bécancour, André Allard, la régie des alcools, des courses et des jeux déclare irrecevable la demande de révision de la décision de la régie qui avait ainsi ou aussi formulé le promoteur de Drummondville, par exemple. Je viens de bafouiller là, pas pire. Hein? Wow. Le gars, il vient de Drummondville, il avait fait une proposition, on a dit non. Point, c'est tout. Un juge a décidé ça dans une décision de 10 pages. Alors, ça prend vraiment 10 pages pour expliquer pourquoi. Pourquoi qu'on veut pas de bar de danseuse là-bas à Bécancour. Mais il y a toute une espèce d'imbroglio entre associations qui gèrent un petit peu ces genres de décisions, ces plaintes ou ces demandes de permis et tout. Là. Donc, on parle un petit peu là, de la RACJ et du TAC, TAQ. Donc, une espèce de superposition, d'étapes parallèles ou de requêtes peut-être logées à la mauvaise enseigne qui crée tout un imbroglio juridique qui fait en sorte que ça chemine pas, donc, et puis ça c'est tellement rendu mêlé que là, bon, ben là, je sais pas, il va falloir à qui s'adresser. Mais je pense que s'ils veulent se partir un bar de danseuse, je vois pas qu'est-ce qui empêche ça, là, la manière qu'il l'explique. Là, ouais. C'est dans le quartier industriel. Et puis, pourquoi qu'il y aurait... Bon, les citoyens peuvent s'y opposer. Bien sûr, ben ça, c'est évident qu'il va tout le temps y avoir au moins quelqu'un qui va s'opposer. Oui, c'est ça. Mais on ne parle pas vraiment de la forme d'opposition publique. Il n'y a pas encore eu de manifestation. On parle juste du refus institutionnel de délivrer des permis, tout ça. Puis là, ben, avec toutes les espèces de d'instances qui ont été impliquées là-dedans. C'est la bureaucratie, là, présentement. C'est rendu un imbroglio bureaucratique, merci, oui. Hmm. Voilà, donc, à suivre. Peut-être qu'un jour, on ira faire un tour. Hein, on ira. On ne sait plus à quel saint prier. Saint, oui, c'est bien ça, Mathieu. T'es fort, ces jeux de mots aujourd'hui, ça. Ah, hein? C'est tout le temps. Ça roule. C'est un feu roulant de l'humour. Bon, tantôt encore un petit peu d'actualité, mais avant ça, on va aller se pousser une pièce musicale, je dirais. Voici Alexandre Desilets et l'éphémère. C'est parti. Vous êtes dans le dîner de con avec Mathieu Plante en remplacement de Denis Janvier et André Baudet. Attendant dîner de con jusqu'à 13h. Oui, toujours dans le dîner de con avec Mathieu Plante en remplacement de Danny Janvier qui est parti faire frire son dîner, je pense. Oui. Ouais. Il dit pas c'est qu'il va chez Kentucky. C'est ça. Il mange du Kentucky. Mange de la sauce. Il mange de la sauce. Il trempe son. Il s'achète un Big Mac au McDo, puis il trempe son Big Mac dans la sauce Kentucky. Ah, ça, par exemple, j'aimerais essayer ça. C'est pour bon, ça doit être bon. Ah, ouais. Ça doit être bon. Ah, ça. Génial. Ça, c'était notre chronique gastronomique pour la journée. Oui. Toujours André Baudet qui est devant moi à parler d'actualité. Comme ça, tellement de choses qui se passent de part et d'autre, de partout, là. Bon, ben écoute, les médecins spécialistes sont favorables à l'euthanasie, imagine-toi donc. Bon. Il faut en faire un débat de société, selon M. Gaétan Barrette, président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec. Il y a une évolution de la société par rapport à ça. Également, ce qu'il faut, c'est clarifier les termes. On parle parfois de soins palliatifs, parfois d'euthanasie, de suicide assisté. Ce sont des termes complètement différents. Donc, en lisant l'article en page 8 du Nouvelliste, peut-être qu'on apprend un petit peu plus sur ces termes-là, mais il faut bien distinguer les choses. Donc, une majorité des médecins spécialistes se disent favorables à l'euthanasie, même si 20% d'entre eux refuseraient de la pratiquer si c'était légal. Ah, OK, c'est bizarre. C'est ce qu'a révélé un sondage commandé par la Fédération des médecins spécialistes du Québec. La FMSQ auprès de ses 8000 membres, dont 2025 ont répondu. Donc, au total, 84% des répondants se disent ouverts à lancer un débat sur l'euthanasie et les trois quarts affirment qu'ils seraient probablement ou certainement favorables à une ouverture à la légalisation. Donc, ça ne leur dérange pas si quelqu'un d'autre le fait, mais ils ne veulent pas que ce soit eux autres qui le fassent, mettons. C'est un peu ça. C'est ça. Ouais. Disons que c'est ça, en effet. Ouais. Ils sont pauvres, mais ils ne le feraient peut-être pas nécessairement. Bon. Le suicide assisté est un sujet qui en soi est complètement différent et qui, par définition, ne met pas en cause la pratique du médecin spécialiste à l'opposé de l'euthanasie, précise M. Barrette. Alors, l'euthanasie n'est pas permise selon la loi, mais dans les faits, elle est courante dans les hôpitaux. Le sondage révèle d'ailleurs que 80% des médecins ont eu conscience, souvent, parfois ou rarement, d'une telle pratique. OK, donc euthanasie, je vais essayer de comprendre, là, je ne sais pas si tu es au courant, mais euthanasie, dans ma tête, ça sonne comme si, bon, mettons, la personne est dans un coma, puis on est pas mal certain, là, ils sont vraiment finis, il n'y a plus de signes quasiment vitaux, mais il est encore en vie, mais il va mourir, on le tuerait avec la permission de la famille. Non, mais ça, c'est pas de l'euthanasie. C'est pas de l'euthanasie. Non, parce que ça, c'est comme c'est la mort clinique, donc ouais. C'est seulement de donner l'autorisation de mettre fin à l'activité des signes vitaux. L'euthanasie, c'est vraiment, par exemple, vraiment la personne qui souffre d'un cancer, qui est en voie terminale, mais qui doit lutter contre le temps et puis qui désire peut-être partir plus dignement. Donc, mais ça, c'est par le choix du patient lui-même. Là. Par le choix du patient. C'est-à-dire que le seul droit qu'on a sur notre vie, c'est le droit à la mort, parce qu'on n'a eu aucun contrôle sur notre naissance. Donc, c'est pour ça que c'est une question philosophique. C'est le droit sur la mort, alors que l'ensemble des codes légaux, des approches médicales, c'est le droit à la vie. Donc, là, on parle de droit à la mort. Comment on va gérer ça après? C'est sûr que ça c'est un gros problème éthique, c'est un problème de société. Ouais. Par contre, on en entend de plus en plus parler. Il y a des endroits comme en Suisse où on peut faire une demande et peut-être être accepté si on veut suivre le processus d'euthanasie. Même si t'es au Québec, tu peux aller dans un autre pays. On a déjà vu des gens, je crois, de l'étranger. Je peux pas dire si c'est juste du Québec ou qui se rendent en Suisse et procèdent à l'euthanasie. C'est quand même quelque chose, ça devient une espèce de parcours spirituel, là, parce que quand tu décides de prendre la décision de dire « moi, je m'en vais vers l'euthanasie », c'est parce que tu dis « bon, ben j'ai profité de la vie, je suis malade, je ne peux plus vivre comme ça, j'ai fait un peu la paix avec moi-même, souffert aussi. Je préfère m'endormir, savoir que j'ai entamé une espèce de dernier rituel de vie ». Être un peu plus comme en contrôle du couloir de la mort. Je pense que c'est ça, les gens qui réclament le droit à l'euthanasie réclament, c'est de pouvoir avoir un peu décider quand est-ce que le couloir de la mort commence et quand est-ce qu'il finit. Alors que là, souvent, on leur dit, ben, il vous reste 3 mois, ça peut être 1 mois, il vous reste 3 mois, ça peut être 1 an. Puis quand t'es malade, puis quand tu as fait ta réflexion interne, personnelle, tu as accepté ça, la notion de temps après ça, Ouais, ben je vois ce que tu veux dire. Moi, je pense que, tu sais, si le, dans le fond, le suicide n'est pas illégal, on s'entend, en tant que tel, le suicide n'est pas illégal. Non, à moins que si tu trates, t'encours des frais juridiques. Là. Ah, pour vrai? Ouais, ah, ça, je savais pas. Non, okay. Ben, je crois que c'était précisé. Là, dans le sens que c'est comme une tentative de meurtre, si on veut, envers toi-même. Donc, tu peux c'est ça. Là, j'ai déjà cru entendre, mais je ne veux pas me lancer là-dedans. Je vais pas lancer de fausses informations. Sans dire n'importe quoi. Mais si le suicide n'est pas illégal, il me semble, pourquoi est-ce que, tu sais, si tu. La personne, le patient, se suiciderait s'il le pouvait, peut-être, mais là, il ne peut pas physiquement le faire, donc demande à ses médecins. Mais le patient ne veut pas se suicider parce que lui, c'est pas sa démarche, c'est pas un suicide. Non. C'est l'euthanasie. C'est juste les mots là, qui se font. C'est ça, c'est mettre fin à la vie. Là, ouais. Les deux, la résultante est la même pour les deux. Mais la démarche personnelle n'est pas la même. Le chemin le suicide, c'est plus une détresse à laquelle on met un terme. C'est une incapacité de vivre à laquelle on met un terme. Là, c'est une incapacité de vivre à laquelle on met un terme, l'euthanasie, mais dans une certaine sérénité, je crois. Oui. Même si on peut dire qu'il y a des gens qui se suicident dans une certaine c'est sérénité. C'est ce que j'allais dire. Tu peux, il y a sûrement des façons, on ne rentre pas dans les comment faire, là, mais de s'enlever la vie avec un petit peu de... moins de souffrance, c'est peut-être un petit peu plus de dignité. Ben, c'est parce que je pense que, la personne qui décide d'être euthanasiée, c'est ça, c'est qu'elle veut que le souvenir qu'on veut avoir d'elle, c'est que cette personne-là a entamé une démarche personnelle, spirituelle, de couloir de la mort. Donc, comparativement à l'autre qui s'est suicidé, on ne sait pas pour quelle raison. C'est un pensez-y bien, puis c'est un débat qui pourrait facilement... Cogitons, méditons, mon ami. Ouais. Je sais même pas si ça me tente d'aller dans des nouvelles plus légères après ce sujet-là. La transition est un petit peu difficile. La transition est difficile. Donc allons-y, quelque chose avec quand même un petit peu plus léger. Le sultanat de Terengganu va essayer de mettre en place un programme pour enrayer la recrudescence de divorces dans l'État. Donc c'est pas si léger que ça, mais quand même. Les couples au bord de la séparation pourront partir en seconde lune de miel aux frais de l'État. Achari Idriss, fonctionnaire du sultanat du Terengganu, explique que ce programme vise à résoudre les problèmes maritaux et à créer des modèles de famille exemplaires. C'est donc gratuitement que les couples qui sont sur le point de divorcer vont pouvoir passer une seconde lune de miel. Ce programme prévoit deux nuits dans des îles pittoresques, avec vue imprenable, ou des stations balnéaires. Les couples devront toutefois se soumettre à une thérapie conjugale. Hey, si vous pensez, Danny, là, ton hydrogène, t'es pas prêt de l'avoir tout de suite parce que l'OPEP prévoit une croissance d'environ 1% en 2010. L'OPEP, c'est l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. Alors, l'organisation, l'OPEP soutient que la situation économique mondiale s'améliore plus rapidement que prévu et que l'embellie en Chine et dans les pays avancés devrait être également de plus en plus importante que prévu. Donc, il y aura une demande en pétrole dans la prochaine année. Et l'OPEP est en mesure de fournir, de pallier à cette demande que l'on estime à 1% en 2010. Est-ce qu'on fera chuter les prix ou on en profitera pour augmenter les prix, puisqu'on sait qu'on en aura besoin de toute manière? De toute manière. Sait-on jamais? Moi, je mets du gaz, encore de l'essence dans ma voiture, fait que ça me touche cette nouvelle-là. Ça touche tout le monde, en fait. Oui. La plupart des gens. Je dirais pas tout le monde, là. Dernier petit sujet ou c'est pas mal tout? On termine là-dessus? Moi, j'ai pas mal fait le tour aujourd'hui. Là, c'est tant mieux parce que le temps avance et l'émission est pas mal à sa fin déjà. Ben oui, merci. C'était le fun d'animer avec toi, Mathieu. Ben, j'ai aimé ça. On va le refaire aussi, je pense. En novembre, je pense. Au mois de novembre, on va se revoir ici. Absolument. C'est un plaisir. On aime ça. Moi aussi, j'ai vraiment aimé ça, moi, passer du temps avec toi. C'est relax, c'est le fun. On parle de sujets intéressants. Ben là, je me suis pas trop énervé pour pas te faire peur non plus. Ah, toi et la controverse. Chasser la controverse, elle reviendra au galop. Donc demain, il va se mettre à crier comme ça. Mon Dieu! T'es gêné avec moi, faut pas que tu te gênes d'être controversé. Danny va être de retour demain dans Dîner de con à 11h. André va être là, évidemment. Moi, je vais vous retrouver à Assemblage Rocky, qui est aujourd'hui à 15h avec Kiwan, mon bon ami aussi. Donc, on s'aime tous ici. Restez sur les ondes de Cifou, car Mathieu s'en vient un peu plus tard dans la journée. Il y a plein de belles musiques d'ici là. Absolument. Et puis demain, il y a la pile du lendemain, toujours tout plein de bonnes émissions. Il est 7h. Oui, on va se quitter avec une pièce de Biobazar, hein, Danny Janvier. Comme il n'est pas là, je me suis dit, je vais y rendre hommage en passant une pièce de lui. On aime tous la pièce Flying Monkey, donc c'est avec ça qu'on va se quitter. C'est parti. Bonne fin de journée. Salut Mathieu. À bientôt. Bye, André. À bientôt. Bye. Oh,